Rick. Balance le son lourd. J'aurais pu dire 2005, avec ma carrière j'enterre le rap. Incontestable, j'en sors comme j'y suis entré, avec l'indiscutable authenticité. J'aurais pu dire qu'après moi, plus personne n'écoute du peur à Zarma. Les Zoulous quittent le hip hop pour la salsa. J'aurais pu dire sur ta platine DJ, cale ça, puis scratch ça, cale ça, puis scratch ça, cale ça, puis scratch ça, passe ça, qu'ils avalent ça, c'est change ça. Et aïe dire aux sautes, c'est du rap sale, ça, c'est de la balle, ça. Viens d'Orly, c'est le nouveau Kerry, ça tue, mais c'est normal, ça. J'aurais pu dire. MC, je vais te faire taire, t'es où? T'es tellement petit que ton style touche terre, où que tu sois. Lève la tête, regarde les miens, plane dans les airs. J'aurais pu dire, je fracasse. Dans le rap, j'explose, je fais de la place. Un fossé me sépare de mes concurrents. J'électrocute, quoi, t'es pas au courant? J'aurais pu dire, barre-toi en courant. Si mon rap tue, c'est que le tien est mourant. Mon flow est rare, précieux, le tien est courant. J'gagne du terrain, je suis Gary James le conquérant. J'aurais pu dire dégage. Faut qu'on rapatrie ton rap en bouée de sauvetage. Mon rap est flotte, le tien se noie. Il a le goût de shot, tandis que le mien se boit. Tu vois, j'aurais pu être vulgaire, t'insulter jusqu'à te provoquer un ulcère. Si je garde la classe, le contenu, le vocabulaire, c'est que je revois ton rap d'où il vient. Disons, 10 ans en arrière. J'aurais pu dire, je t'allume. Mon écriture est teinte à ta plume. Mais mon rap mûr, le tien est puéril. I'm Kerry James and I'm sterile. J'aurais pu dire toutes ces conneries, mais dans nos rues y'a trop de pleurs et y'a trop de cris. Malgré moi, sur une mission d'éducation, moi je suis MC comme militant et conscient. Ce qu'ils font, j'aurais pu le faire sans aucune difficulté, mais j'ai choisi de croiser le fer et de chanter de la vérité. Malgré moi, sur une mission d'éducation, moi je suis MC comme militant et conscient. Toutes ces conneries, y'a trop de pleurs et y'a trop de cris. Je suis MC comme militant et conscient. J'aurais pu dire mon rap tue, car il se vit dans la rue. Respire et transpire mon vécu. Alors d'amour il est nécessairement dépourvu. J'aurais pu dire mon rap est réel, comme ces règlements de compte à balles réelles dans nos ruelles. J'aurais pu dire c'est pas du Bruel, ça. C'est pas le rap des agneaux, c'est celui des cruels, des rebelles, des renégats. J'aurais pu dire moi je rappe uniquement pour mes gars. Méga violent, insolent, inconscient, dingue, ivre même au volant. J'aurais pu dire j'ai le style de ceux qui ont survécu en milieu hostile. Style, ma rime reflète une réalité. Style, elle n'est en fait qu'un miroir qu'elle cherche à briser. Style, j'aurais pu dire j'ai l'argent, les armes et les hommes. Alors mes ennemis, je les piège, les désarme et des gommes. J'aurais pu dire c'est œil pour œil, dent pour dent. Car au fond, n'ai-je pas la mafia africaine dans le sang. J'aurais pu dire je suis meuf 4, meuf 4. Dans mon cœur, mes pensées, mes actes. Style, Glock C4, Magnum et M16. Style, tu peux pas test, les mecs, tu pèses. J'aurais pu dire que d'où je viens, tu serres la main à tes futurs assassins. Tu peux être fort et compter parmi les braves. Tu peux te faire tuer sans jamais t'être fait marave. J'aurais pu dire qu'on n'a pas choisi. On était tous condamnés de Marseille à choisir. J'aurais pu dire tout est de la faute du gouvernement. J'aurais pu éloigner les miens du discernement. J'aurais pu dire je n'aime pas la police. Tous corrompus, tous racistes. Mais au fond est-ce vrai? En évitant la question parais-je plus vrai? J'aurais pu dire toutes ces conneries, mais dans nos rues y'a trop de pleurs et y'a trop de cris. Malgré moi, sur une mission d'éducation, moi je suis MC comme militant et conscient. Ce qu'ils font, j'aurais pu le faire sans aucune difficulté, mais j'ai choisi de croiser le fer et de chanter la vérité. Malgré moi, sur une mission d'éducation, moi je suis MC comme militant et conscient. Toutes ces conneries, y'a trop de pleurs et y'a trop de cris. MC comme militant et conscient. J'aurais pu dire toutes ces conneries, mais dans nos rues y'a trop de pleurs et y'a trop de cris. Trop de larmes, trop de drames, trop de meurtres, trop d'injustices dans le monde. C'est pourquoi j'utilise mon micro comme un sabre, au service de la justice, au service de la vérité. Je veux mourir avec la certitude d'avoir été utile aux gens et pour ça, Je peux pas toujours leur dire ce qu'ils veulent entendre. Je navigue à contre-courant, mais ma musique est fidèle à mes convictions. Je suis loin d'être parfait, je le sais, je le crois, je le dis, je le vis, je le chante. Mais je suis sincère, et si je me trompe, je n'hésite pas à revenir sur ma position. Les faibles appellent ça de la compromission, mais moi je sais que c'est ça être un bonhomme. Stay.